trappeur. S'il te plaît, ne choisis pas, je suis le pire. Tu n'es qu'une belle fleur, une douce mélodie. Je vais t'anéantir. Et quelquefois, je vais peut-être te mentir. Car tôt ou tard, je tomberai dans l'oubli. Sans mon empire. S'il te plaît, ne me choisis pas. Notre amour honnête, je ne veux pas qu'il parte. Seul sur une plage, je jouerai de la guitare. Tu chanteras pour nous, tu seras ma diva. Oh ouais, j'ai perdu la tête, mais je sais de faire taire mon cœur qui parle. Yeah, tes larmes derrière ton maquillage. S'il te plaît, ne me choisis pas, je suis le pire. T'es qu'une belle fleur, une douce mélodie. S'il te plaît, ne me choisis pas, je suis le pire. T'es qu'une belle fleur, une douce mélodie. Une douce mélodie. Le temps va pas lorsque tes larmes coulent sur tes joues, que tu es dans la porte. J'ai peur de mal faire. N'oublie pas que rien n'est parfait. J'aimerais que tu sois blotti contre moi l'outil. Une histoire sans fin, on fera la parodie. Je suis prêt à tout pour toi, je t'aime comme personne, même si je me prépare au pire. S'il te plaît, ne me choisis pas, je suis le pire. Tu n'es qu'une belle fleur, une douce mélodie. Je vais t'anéantir. Et quelquefois, je vais peut-être te mentir. Car tôt ou tard, je tomberai dans l'oubli. Sans mon empire. S'il te plaît, ne me choisis pas, je suis le pire. T'es qu'une belle fleur, une douce mélodie. S'il te plaît, ne me choisis pas, je suis le pire. T'es qu'une belle fleur, une douce mélodie. Une douce mélodie.